Le porte-parole du Comité coréen pour la paix en Asie-Pacifique a lancé le 21 une déclaration face à la situation dans la péninsule coréenne de plus en plus sévère par suite des menaces militaires féroces et chantage nucléaire des Américains. En voici le résumé. L'administration Trump, qui examinait sur table le projet de choix global ces deux derniers mois, a fini par définir sa politique envers la République populaire démocratique de Corée, c'est-à-dire la pression suprême et l'intervention, et commencer à montrer ses agissements téméraires. Washington, après les frappes de missiles croisières par surprise contre la Syrie, a déclaré qu'il s'agit de l'avertissement sérieux à notre égard, alors qu'il envoie massivement des biens stratégiques en direction de la péninsule coréenne, tout en faisant bruit même des ripostes militaires séparées, y compris les premières frappes contre la Corée du Nord. Par ailleurs, le vice-président américain Pence, qui vient de visiter la Corée du Sud, a fanfaronné que la Corée du Nord est tenue de ne pas juger mal l'intention américaine, que le temps de la patience stratégique a pris fin en nous obligeant de mettre un terme au programme de développement du nucléaire et des missiles balistiques pour oser nous intimider. Le chargé d'affaires par intérim du président sud-coréen Fang Yuan et autres conservateurs aussi ont déclaré de prendre des mesures de représailles insupportables si la Corée du Nord procède aux provocations supplémentaires, la contraindre à changer le calcul stratégique et entreprendre des manœuvres conjointes d'envergure et intensives avec les flottilles de frappe de porte-avions nucléaires américaines. L'actuelle situation montre clairement que les États-Unis et les autorités sud-coréennes sont auteurs, menaçant et détruisant sérieusement la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne et la région, et fanats de guerre habitués aux provocations et agressions. Notre République estime précieuse la paix et la chérit plus que les autres en tant qu'État socialiste et pris de paix, mais ne craint point la guerre ni pense à l'éviter. Notre armée et notre peuple ne refusent aucun choix spécial s'il s'agit de la paix dans la péninsule coréenne et la région. Que les Américains sachent que le choix n'appartient pas à eux seuls et qu'ils fassent au sérieux un choix final à l'heure importante décidant du sort de l'Empire de l'Amérique. Nous renforcerons par tous les moyens la dissuasion nucléaire au nom de la justice pour repousser l'arbitraire et le despotisme des Américains et préserverons avec plus de sûreté la souveraineté du pays, le droit à l'existence de la nation, ainsi que la paix et la sécurité de la péninsule coréenne et de la région.